Matinée d'hiver, clarté cristalline, aux glaçons aigus et scintillants. Les matins d'hiver arrivent, chaque arbre portera sa neige au contact du souffle du vent. Matinée d'hiver dans le jardin, la pelouse de Rambou est encore verte. Au fil du rasoir, elle sera taillée avec les pâquerettes. La pollution continue son chemin à travers la poésie rythmique des clochettes du muguet de mois de mai. Jardin d'hiver, une chanson et je bois et je fume pour fredonner comme les oiseaux. Le tapis de feuilles des vieux marronniers s'en est allé à l'aspiration. Les essences se sont désagrégées et nous capturent, quand ils ne brûlent pas à la lumière du feu des senteurs. Le poète n'a pas toujours raison pour contrarier Aragon avec, j'espère, sa bénédiction. Mais autour du feu, j'entends le son des guitares prendre l'accord. Ces couleurs sont arrivées proches de l'hiver, où il n'y aura plus rien. Elles annoncent le temps qui passe, le temps qui court, des années qui s'en sont allées. Belle azalée, tu parles de la jonquille de février. Muguet ou clochette blanche, tu es déjà le mois de mai. Dans l'élan de l'été venant, il est des jours où le printemps est là en hiver. C'est intérieurement que ça se vit. On ne sait pourquoi, mais le cœur se remplit de joie. L'important, c'est ça. Les choses que l'on n'explique pas, il est des jours où rien ne justifie. C'est intérieurement que ça se vit dans la pénombre de la lumière.